Petite fille du soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois partir. Petite fille du soleil, je garde en souvenir. Petite fille du soleil, nos délires. D'autres envies, d'autres rêves viendront dormir dans tes nuits. Déjà le jour se lève, comment te dire que tout est fini? Tout est fini. Petite fille du soleil, le matin n'attend pas. Petite fille du soleil, non, ne pleure pas. Petite fille du soleil, surtout ne m'en veux pas. Petite fille du soleil, oublie-moi. D'autres désirs, d'autres fièvres viendront brûler dans ta vie. Pourquoi me dire je t'aime? Demain je serai loin d'ici, bien loin d'ici. Petite fille du soleil, le matin va venir. Petite fille du soleil, je dois partir. Petite fille du soleil, je garde en souvenir. Petite fille du soleil, nos délires.